FrenchPod.com. Ah, c'est enfin l'été. Oui, mais il fait chaud aujourd'hui. Tu veux une glace, mon amour? Oui, au chocolat. Deux boules.